des dizaines de têtes en l'air, car dans le ciel y a des éclairs. Sortons les tenues excentriques, c'est le jour du feu d'artifice. Si le public est étonné de voir toutes ces lumières briller, mais moi je ne suis pas comme eux, je ne regarde pas qu'avec les yeux. Mais moi je pense aux coups de canon qui résonnaient dans la vallée. Ce soir de fête à Bouillon, j'ai des idées qui ne tournent pas rond. C'est la ville du château fort où ce soir personne ne dort. Les habitants dansent et rient sur les chansons de Disco Guy. Les pédalos sur la semoie, un petit coup de regarde-moi. Sur les bancs, y'a des amoureux, je voudrais être un peu comme eux. Mais moi je pense aux coups de canon qui résonnaient dans la vallée. Ce soir de fête à Bouillon, j'ai des idées qui ne tournent pas rond. Hey! Et puis au milieu de tout ça, il y a toi, il y a moi, qui profitons du beau temps, regardant passer les gens. J'aime cet air de guitare, cette expression dans ton regard. Peu m'importe de ne pas être comme eux quand je suis plongé dans tes yeux. Mais moi je pense aux coups de canon qui résonnaient dans la vallée. Ce soir de fête à Bouillon, j'ai des idées qui ne tournent pas rond. Et moi je pense aux coups de canon qui résonnaient dans la vallée. Ce soir de fête à Bouillon, j'ai des idées qui ne tournent pas rond.